Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Si vous êtes en vacances, profitez-en et profitez-en notamment pour revoir ces excellentes sorties DVD de la saison. Bertrand est avocat d'assises. Brillant, médiatique, volubile, cultivé, cérébral, compliqué, pas très courageux, aime les femmes surtout pour leur parler. Fraîchement arrivé à Monaco pour y assurer la défense d'une meurtrière septuagénaire, il va faire la rencontre d'Audrey. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question pourquoi on couche ? Non. Mais vous devriez. Je suis engagé dans un procès extrêmement difficile. Et franchement incompatible avec une disponibilité érotique. Mais qu'est-ce que tu racontes ? La plupart du temps, c'est assez décevant. Mais quand même, ça fait partie de la vie. Ah, mais qu'est-ce que tu fais là, toi ? Je bosse. C'est la première fois que vous avez un procès à Monaco ? Oui. Bienvenue sur le rocher, alors. Merci. Au revoir, monsieur. Elle est marrant. C'est une fille d'ici. Typique. Typique ? Mais pourquoi typique ? Vous avez une histoire avec elle ? Si on veut. Eh, vous m'avez complètement fière. Vous avez une présence quand vous plaidoyez, mais c'est hallucinant, quoi. Plaidez. Vous ne vous intéressez pas à elle, quand même. Ça vous pose un problème ? Non. Il n'y a pas de problème. Si vous saviez ce qu'elle m'a fait, si vous saviez ce qu'elle a inventé toute la nuit, ce corps cambré, sans pudeur, sans limite. Vous allez juste dire un coup, maître. Elle est là, elle m'envahit, elle m'obsède. La fille de Monaco, un film d'Anne Fontaine avec l'excellent Fabrice Luchini, un DVD Warner Home Video.